émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Black M. Passez une bonne soirée, bienvenue, ça continue cette semaine, cette grosse semaine avec Black M qui est là, notre invité tous les soirs de la semaine. Yeah, bonsoir Skyrock, bonsoir Fred. Bah dis donc, t'es en pleine forme toi. Ça va, j'ai cru que j'allais arriver en retard. Après une journée qui a commencé tôt, très tôt. Très tôt, 8h du matin. Sur place, sur le tournage, donc ça veut dire que levé bien avant. Bien avant, ouais. Sur le on a tourné Je garde le sourire. Oui, j'ai vu, de toute façon, là, on sait tout maintenant. Il suffit de, d'ailleurs de suivre Abou de Beng qui met des photos. Je garde le sourire avec un grand sourire, des chorégraphies, enfin on suit, on voit tout. On est au courant de tout. Grosse journée, ça s'est super bien passé. Donc clip fini, ça y est, c'est fait. Il reste plus que le montage. Plus que le montage, sinon c'est tourné. C'est dans la boîte, il va être exceptionnel. Je garde le sourire, Momo, arrête de faire... Excuse-moi, je règle un problème avec Momo qui réalise l'émission sur le Skyrock FM et sur l'appli Skyrock. Me mets pas en gros plan, s'il te plaît. Pour mon image. Black M, ça va, tu peux le mettre, il est bien. Mets-moi plus large, s'il te plaît. Excuse-moi, je règle un petit problème. Oh, tranquille, tranquille, vas-y, règle tous tes problèmes. Bon, on est à 5 jours maintenant de la sortie de la réédition. J-5. J-5. La précommande est toujours disponible, allez-y d'ailleurs. Continuez de soutenir, je vois que ça grimpe. Allez-y. J-5, on est pressé, 8 inédits. Ouais. On a balancé déjà quelques extraits, je garde le sourire. Et puis en précommande aussi, on rappelle que si vous voulez avoir l'album, C'est ça que je viens de te dire. Ah, tu l'as dit aussi, pardon. Tu m'écoutais pas en fait. Je suis désolé, j'ai eu un moment d'absence. C'est ça que je viens de dire. On a balancé quelques extraits, j'ai dit, je garde le sourire. Eh bien, je le redis, en précommande, allez-y, tout de suite. Allez-y, ouais. Et vous avez les morceaux. Non, voilà. C'est ça, vous les avez. C'est ça, ouais. C'est ce que tu disais, Black. Yes. Bon, on va débuter avec Je garde le sourire. Juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'est une belle soirée encore hier soir dans le Planète Rap de Black M. Ça donnait ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. On est parti pour le Planète Rap spécial Black M en ce jour férié. Comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme. En pleine forme, comme hier. Planet Rap. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre. Dédicace au Raikou. On se fait du mal. Tous les inédits, les 8, là, Black M, c'est quoi? C'est des morceaux que t'as écrits après la réédition ou il y en a certains que t'as retouché? Il y en a un seul que j'ai retouché. Un seul, c'est le Foutu Mélodie. Et tout le reste, j'ai écrit après l'album. Big Black M, pas du genre à se faire piquer par ta taille de guêpe. Trop cash peut-être, parce que je sais que le mal me guette. Je sais que c'est bête, mais t'es là juste parce que j'ai ses pères. Et si moi je suis un macho, dis-moi toi t'es quoi? De toute façon tu ne me laisses pas le choix. Tout le monde te néco, à quoi ça sert d'être un avion de chasse? Si ça vole pas aussi tu veux, oui vas-y viens on tchatch. Mais je suis qu'un salaud. T'aimes faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Est-ce que tu vas annoncer tout de suite une surprise ou pas qui vient d'arriver dans le studio? J'ai une petite surprise. Une petite surprise. Un figurant dans un clip. Un figurant très connu, on va dire. Très connu, mondialement connu. Un gars sûr. Très fier d'être ici pour représenter le poteau Black M. Aïe! Est-ce que vous l'avez reconnu? J'ai fondé une école de Michael Jacksonage il y a quelques mois. Voilà. Grâce à ton peu clip, poteau. Bah, c'est grillé. Kevin Adams. Direct de Skyrock. Yeah. Ça va bien? Bah, ça va très, très en bien. En forme? Très heureux d'être ici. Alors, ça, quand même, il faut dire un mot sur Black Shady, partie 3. Là, j'ai décidé de faire une partie 3 parce que ça faisait longtemps que Shady n'est pas apparu. Et le gars se lâche. Il est très en forme, hein. Le gars se lâche. Il est très, très en forme, hein. Le gars se lâche et il anticipe des choses qui arrivent. Il a parlé de coups de Louboutin. Il y a des gens, ils ont mis des coups de chasse. Avant tout, c'est du second degré. Mais voilà, c'est le côté maléfique de Black M. Black Shady. C'est rare dans la musique que les chanteurs ils se créent des personnages. Tu vois, c'est plus un truc d'acteur ou d'humoriste. Et je trouve ça mortel de créer un personnage comme le Ying et le Yang de toi-même. Le gars connaît. Ouais. Allez, on l'écoute maintenant, le morceau. Yes. Enfin bref, moi c'est Black Shady. Tu n'as aucune chance d'être ma chérie. Je suis complètement hystérique. Je peux te lâcher au milieu du péril. Te dire non le jour de la mairie. Fuck le rêve de l'Amérique où le Rona meurt dans la série. Moi plus rien ne me fait rire. Pourquoi il verra tous comme Caris? Et toi pourquoi tu me racontes ta Yves? Dans ma tête il y a déjà des grosses manifs. Des mecs qui crient on veut du réalisme. C'est parti maintenant sur Skyrock. Black M en live. Je suis un clown. Je souffre. suis un clown. Yeah, yeah. Je souriez, souriez, je garde le sourire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Black M sur Skyrock. Je garde le sourire. Yeah. Le 17 novembre dans les bars. Motherfucking yeah. Je garde le sourire. Planet Rock. Hey, Madame Parouchko. Non. Je suis pas en prison ou à l'hostop. Non. Je fais des hits, Madame Parouchko. Et vos gosses me kiffent, Madame Parouchko. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Parouchko. C'est pour mes gars, oui, Madame Parouchko. Si vous voulez, on tweet, Madame Parouchko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Voilà, c'était hier soir dans l'émission, une grosse émission avec Kev Adams qu'on salue encore. Grosse émission, grosse grosse dédicace à mon gars sûr Kev Adams. Qui t'a baqué sur les deux morceaux que t'as fait en live. Il m'a baqué. Évidemment, le Madame Parouchko. Yes. Et je garde le sourire. C'est vrai qu'en réécoutant, je garde le sourire et avec ce refrain où tu parles de clown, je me dis que toi, t'as un truc quand même qui est particulier. Hein. Pourquoi ? Lance-toi dans un cabinet de voyance, Mike. Hein. T'as vu, parce c'est que, bizarre. Non, mais dès, que t'as commencé, dès que t'as commencé, il faut quand même rappeler, parce que je garde le sourire quand le morceau a été balancé, il y a eu toute cette vague de clown, pas forcément ouais. drôle d'ailleurs, hein, ouais. dans le nord de la France, un mais peu tu partout. Sais, pour te dire la vérité, à la base, ce morceau, vraiment, à la base, je le dis, m'en fous, à la base, ce morceau s'appelait Le Clown. Il s'appelait Le Clown, ouais. Mais mon ami Soprano a fait un morceau qui s'appelle Le Clown aussi. C'est vrai. Donc, on a dû changer le titre. Je lui ai dit, d'ailleurs, on en a rigolé, on a des points communs sur l'album. Big up à Soprano. Et il y a eu l'histoire des clowns. Ouais, c'est fou. Ouais. Et là, tu nous sors le Black Shady. Ouais. Bon, la pauvre Nabila. Bon, ça, c'est les pouvoirs cachés de Black Shady. Ah ouais, t'as des pouvoirs cachés, tu me fais peur, toi. Ah. Gros. Fais flipper, il y a d'autres morceaux comme ça. Je peux te dire ce qui va se passer demain, peut-être. Sur l'album, il y a d'autres choses sur la réédition, sur le. Qui peuvent être suspectes. Faut que t'écoutes. Faut que t'écoutes, faut que vous écoutez. Bah, à vous de me dire. Envoyez des messages avec le hashtag Black M sur Skyrock ce soir. Le hashtag, on va être entêté dès maintenant. Ah ouais, là. Faut y aller, faut y aller. 20h tout de suite. Et mais toute la soirée. Je crois que ça cartonne tellement qu'il nous bloque. Il nous bloque. Je pense qu'il y a une censure. Allez-y, allez-y. Sur les réseaux sociaux, parce que c'est un véritable carton. Il n'y a jamais eu autant de messages. Et hier, on n'a pas vu arriver. Merci, merci à tous. Black M, il est dans le turfu, je voyais écrit. Il est loin. Très loin. Allez, on débute avec quoi ? On débute avec Je garde le sourire ? Je garde le sourire. C'est parti, c'est extrait de la réédition Black M, notre invité. Tous les soirs de la semaine sur Skyrock. HQ. Depuis je garde le sourire. Novembre. Je garde le sourire. Tout ce yeah. qui s'est déplacé pour moi. Oui, je l'ai voulu, mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi, car tout le monde connaît mes sons. Cœur malade, court après la guérison. Mon public ne peut pas me comprendre, je suis dans l'autodérision. Ce soir, j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir, j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Yeah. Si je baisse les bras. Quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi ce maquillage que tu ne vois pas. Je suis un clown, je souris. Je suis un clown. Souriez, souriez sur Skyrock. Je garde le sourire. 1, 17 novembre dans les bacs. Je garde le sourire. Cuisine et dit, dédicace à mon gars sur Toupie. Ah, je garde le sourire. Je me suis battu des années pour arriver où je suis. Dans l'entreprise, personne au-dessus de moi dans la hiérarchie. Yeah. Je suis un homme accompli. Je suis censé être heureux, moi-même j'ai pas compris. Scotché sur ma chaise suite au dernier coup de fil. Le médecin me fait comprendre qu'à chaque réunion, je perds un bout de vie. Dans mon domaine, je suis le meilleur d'après la rumeur. Mais d'après elle aussi, je suis atteint d'une grosse tumeur. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Yeah. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi ce maquillage fait que tu ne le vois pas. Je suis un clown, je souris. Je suis un clown. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Beaucoup de femmes vont se se reconnaître et diront que les pots cassés ne peuvent pas se recoller. Yeah. Victime d'un homme fou allié. Les coups sont invisibles pour une mère au foyer. Elle pleure, son maquillage coule. Ses enfants ont peur, elle fait croire que tout est cool. La femme est une battante, elle est si épatante. Son instinct animal fait qu'elle dresse sur la détente. Un soldat qui n'a pas ton temps, qui sourit mais on sait pas comment font. T'as sur le mal, même le clown voit pas ses sentiments. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend. Le clown, depuis je garde le sourire, personne ne comprend. Le clown, je suis un clown. Je souffre, je suis un clown. Souriez sur Skyrock. Je garde le sourire. Souriez, souriez. 17 novembre, je garde le sourire. Je garde le sourire. Personne ne comprend le clown. Je garde le sourire. Personne ne comprend. Précommandé, précommandé. Je garde le sourire. Souriez, souriez. Le sourire, le sourire. Le sourire, le sourire, le sourire. Black M à l'instant, extrait de la réédition avec une magnifique prestation d'Abou de Beng sur la fin du morceau. Là, Abou de Beng, garde le sourire quand je repense au clip qui s'est tourné là sur quelques jours. Je suis... avec un grand sourire. Franchement, il y a de très très belles images, très émouvant. Bon, là, c'est au montage, donc d'ici quelques jours. C'est au montage, ouais. Quoi, une dizaine de jours maintenant pour le clip ? Début décembre. Ah, début décembre. Non, mais c'est un gros clip, en fait. Il faut bien monter le truc. D'accord, donc ce sera des effets spéciaux, tout. En attendant, il y aura évidemment, il y aura l'album qui sera sorti. C'est lundi dans les bacs. C'est lundi dans les bacs. Je l'ai promis aussi tout à l'heure. J'en parlais avec Emeric au passage d'antenne. Une surprise marseillaise, j'avais annoncé. Ouais. On peut dire que c'est une surprise marseillaise qu'on a. Ouais, on peut le dire. On aura d'ici quelques minutes. Alors, d'ici quelques minutes. Peut-être pas forcément physiquement dans le studio, mais. Non, malheureusement, physiquement, il pourra pas être là, malheureusement, mais il est de tout cœur avec le Big Black. Et puis surtout, la surprise, c'est qu'on lâchera un morceau avec cette surprise marseillaise. Docteur Belize. Alors qu'il fait son entrée dans le studio à l'instant même, le grand. Quelle entrée! Le grand docteur Belize. Et on disait qu'il avait un droit de dire. Viens t'installer là parce que celui-ci, on a un petit problème là, en panne. Ouh! Pour l'instant, et toi, viens ici t'installer, Ça va tout le monde. Une chaise pour le docteur. Mais voilà, regarde, une chaise arrive maintenant, il est à peine arrivé, les chaises sont lancées sur lui pour qu'il s'installe tranquillement. Dès que j'arrive, il y a de la mort tout part, donc voilà. Vas-y, je suis obligé de reconnaître. Comment va ? Ça va tout le monde ? Bien ? Ouais, cool ça. Oh, t'as des petits yeux ? Ouais, j'ai l'air un peu fatigué, j'ai qu'est-ce pas dormi passe depuis. Ah. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu pour le Planet Rap de Masca ? Ouais, je pense. Il soigne des gens. Non, même pas. Franchement, ça va trop speed en ce moment. Hier, j'ai commencé, j'ai fait le premier morceau de mon album. Ah ! Wouh ! Annonce exclue. Au calme. Donc l'album solo qui arrivera pour 2015, je suppose. Oui, je pense, on en discute, on travaille dans les couloirs, tu sais comment ça se passe. C'est en train de bosser. Donc le premier morceau, ça y est, il est fait. Il est fait. Il s'appelle ? Parlons bien. Parlons bien. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est des mecs qui lâchent des trucs. Ah non, mais. Black M. Chacun son truc. Mais qui a lâché déjà le premier, c'est toi. On a toujours pas dit le nom de ton deuxième album. Non, moi il faut se procurer. Il faut se procurer. Ouais. Il faut se procurer ce truc pour voir la. Chacun son bail. Chacun son bail, on se connaît, moi, docteur. Calme. Est-ce que t'as écouté d'ailleurs la réédition, Beriz? J'ai écouté la réédition, ouais. Les on se fait morceaux. Du mal, lourd. Hier j'ai écouté On se fait du mal en live. Est-ce que t'as vu la chorégraphie qui a été faite sur ce morceau? Studio, non, j'étais en studio, j'ai voulu qu'on mette le son, mais je pouvais pas voir les images. J'étais en studio, donc j'ai voulu écouter, tu vois. Et les images sont toujours dispo. J'aime bien ce son en plus, tu vois. Merci, mon sauce. Sur Skyrock FM. Donc, les images avec une grosse chorégraphie. On a commencé le lundi. Hallucinant avec Black M. Merci. Et t'as rien d'autre, écouté rien d'autre sur. Ce soir, j'ai appelé Axel. J'ai dit à Axel que je voulais balancer mon premier morceau, en fait. Première capsule qui s'appelle Dernier Négro. Je voulais le donner en live aujourd'hui, ce soir à Sky. Alors, il m'a dit, t'as concerté personne, attends, un gros morceau d'ailleurs. On était en train de parler de la réédition de Black M, mais là tu es en train de nous annoncer qu'il y a carrément un autre morceau que tu veux balancer toi. Oh mec, Fred. Black M, c'est ton Planet Rap, tu choisis. Moi je suis Docteur Belize. Comment ça se passe? Il est comme chez lui ici. C'est comme on est. Alors attends, c'est quoi? Parce que tu m'as dit que le premier morceau pour ton solo était fini là hier soir. C'est pas celui-ci qu'on va écouter. Non, c'est pas celui-ci. C'est quoi? C'est un morceau mon adieu au rap. T'es venu avec? C'est la dernière fois que t'es venu avec? Je pense, ouais, je dois l'avoir ça. HQ, tu l'as? Ah, Tu le veux, hein, je... vous êtes mis d'accord ou pas? Qui le veut? Vous voulez que je mette le morceau? Bah, tu veux qu'on demande aux auditeurs, c'est peut-être plus simple. Ouais, ok, demandez-le. Allez-y, est-ce que vous voulez entendre en exclu? Donc, c'est quoi? C'est un morceau, c'est le morceau zéro, quoi, avant l'album. C'est le morceau zéro, c'est la première capsule pour annoncer Black Davenport. Qui s'appelle? Un morceau qui s'appelle? Le Dernier Négro. Allez-y, si vous voulez entendre Dernier Négro, 41759, le hashtag Black M sur Skyrock. Dites-nous, descends un petit peu, Fab, qu'on voit s'il y a des messages, si les gens veulent entendre ça. Allez-y, c'est parti. En attendant, peut-être qu'on peut passer un autre morceau de Black M. On se fait du mal. Les gens aiment beaucoup le morceau. Allez, ça tombe bien. Et pendant ce temps-là, vous réagissez oui ou non pour écouter le son de Berriz. 41759. HQ, quand tu veux, c'est extrait de la réédition. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Ma chérie, je suis désolé, j'avoue ton cœur je l'ai cambriolé. Je sais que ton intimité s'est fait violer et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement je pourrais te dévorer, mais dans ta vie je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés, les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant Jassim Balbal, mon gars sûr, mal. On dit quoi? Ismaël Soukouna. On passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Mon gars, un saut dans le building. On se fait du mal. Disponible, J-5, puis inédit. On se fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. Reçu 5 sur 5, je me tais, chinois. Dédicace à la section d'assaut. Agba, c'est comment? Falou. On se fait du mal, c'est extrait de la réédition de l'album qui sortira lundi 17 novembre. C'est bizarre, j'arrive plus à écouter le morceau sans voir les images avec les danseurs là. Tu connais la choré, je sais que tu peux la faire. Tout à l'heure, tard. Tranquille. Tard, je t'enverrai ça par vidéo. On se MMS au calme. 3-4 heures du mat, ça je peux te la refaire. Tranquille. Black M est là avec nous. Il y a Dr Berriz qui nous a promis un morceau il y a quelques minutes, mais pour rien de vous cacher, il y a eu quand même beaucoup de tractations pendant. Il y a eu beaucoup de choses là pendant. Parce que là, Axel est arrivé en disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est impulsif. Je suis une personne très impulsive. Donc, oui, mais je sens que t'as envie de le passer. Mais fois, je fais des choses. J'ai vu aussi, t'as vu les nombreux messages qui disent bah, balancez le son, balancez le son. On est obligé de passer un extrait. Qu'est-ce qu'on fait alors? On passe un extrait, un petit extrait. J'ai pas envie de décevoir ceux qui m'ont écouté il y a même pas deux minutes. Bon, on va te donc va... aussi, tu vois. Après, on a l'habitude d'ailleurs avec Black M, Masca. Mais regarde, je vais dire quelque chose. Mmh. On va écouter pas plus de 30 secondes. Pas plus de 30 secondes. Je vais stopper le truc à un moment donné. Ça, c'est mon adieu. Avant que le refrain. Je ne rappe plus. 30 secondes, c'est déjà. On va le faire dans un instant. Je ne rappe plus parce que juste avant, je le disais, une surprise marseillaise et on l'a par téléphone et je crois qu'il est assez pressé. Il est où? Il suffit de dire allô, allô. Allô, allô. Allô. La belle ville Zin. Alonso est là, comment va? Bonsoir à tous, comment la famille? Bien ou quoi? Tu es où, Alonso? Dans ma voiture. D'accord. Donc, à la maison à Marseille. Ouais, dans les quartiers nord. Dans les quartiers nord. Tout va bien dans les quartiers nord, Alonso? Très très bien. Très très bien. La mala, c'est comment? Ouais, la mala, on se calme parce que vendredi, je suis encore choqué, donc j'ai plus de voix. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, un petit mot quand même sur Alonso, Black M. Un petit mot, je pourrais te dire beaucoup de choses sur Alonso. Déjà. Il fait partie du tout le monde le sait, des psychiatres de la rime. Nous, moi personnellement, j'ai beaucoup écouté les psychiatres, énormément, et je l'ai invité suite à on s'est rencontrés plusieurs fois déjà, et je me suis dit que j'allais faire les yeux plus gros que Marseille suite à mes petites capsules. Donc j'ai décidé de mettre Alonso parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait personnellement et il a accepté directement. Et vous l'avez balancé d'ailleurs sur le net. On l'a balancé, le street clip est disponible. Le street clip est dispo. Et belle rencontre avec Alonso évidemment. Ouais. Alonso, je suppose que c'est pareil pour toi aussi? C'est la même chose. Vous voulez maintenant, ça fait un moment, on croise souvent dans les concerts, dans de partout. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup rapologiquement. Humainement aussi, je l'aime beaucoup. Vaguement parlant aussi, je l'aime beaucoup. Si même. Donc, est-ce que vous êtes envoyé des messages dimanche soir ensemble? Non, même pas. Est-ce qu'il y a eu quelques petits messages échangés entre Paris, entre Marseille dimanche? Non, même pas. Même pas, tranquille. Même dans la musique. Quand j'ai vu qu'on a perdu, j'ai évité d'aller dans les réseaux sociaux et ça. Non, même pas, tu sais quoi, j'étais même pas dedans. Ouais. Voilà, moi je suis parti sur l'équipe.fr, j'ai vu qu'on était encore premier, j'ai dit tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, tu as raison, Alonso. Bon, toi, tout se passe bien, t'es en train de bosser aussi, enregistrement de ton solo? C'est terminé. Ça y est, c'est fini? C'est terminé, je suis déjà sur ma mixtape, ça va sortir bientôt après l'album. Là, logiquement, dans les jours à venir, on va annoncer la date officielle de la sortie d'album avec le troisième extrait. Donc, Eh ben, on suivra ça donc sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Il y a Alonso. Il y a même un son. J'ai même fait un son avec Alonso. Ah, aussi Beriz. Tiens, Beriz est là. Il est là, Beriz. On a un très gros son avec le Davassur et ça va être une dinguerie. Je parle même pas. De Bang, il est là. Il peut vous le dire direct. Mon gars sûr, on va s'écouter les yeux plus gros que Marseille. Ah ben on y va et comme ça dans la voiture tu vas pouvoir faire péter le son et merci d'avoir été avec nous. C'est pas ma faute. La mala. La mala. C'est parti. Ciao ciao. Les yeux plus gros que Marseille. Oh. Yeah. Yeah. Comme je l'ai dit, grosse dédicace à Alonso. RDC bientôt disponible aussi. Ah. Hey yo, Spike! Ce n'est pas ma faute. Je veux des lots. Où sont les players? Va leur dire que je suis haut. Ce n'est pas ma faute. J'ai les yeux plus gros que le monde. Je suis venu faire un hold. Donnez-moi des lots. Je n'aurai jamais la force d'un X-Men. Pourquoi tu me fixes man? Dédicace au Ron, on calme mes gangs. Comme le grave en DRY. Rap français est dans un cercueil. Pourquoi les MC sont si faibles? J'arrive plus à fermer l'œil. Donnez-moi un somnifère. Kiké, ça vient de chez nous. Oui, de l'école des BP. Et sucé, ça vient de chez vous. Y'a des pictures pour CP. On vit dans un monde de vipères. Où ça se tue comme c'est pas mi-faire? Les sentiments ici, on s'en tape. Y'a que de la haine comme autant d'Hitler. Oui, je sais, t'aimerais me boycotter. Manque de peau, je suis devenu. devenu trop coté. Prince de la ville comme Mokobé. Imka AP, Black il s'est rampé. Fais pas comme si tu le savais, ah. Même les Kenry se disent what's happened. Là je suis posé à Seymar, 100 000 ventes, ah c'est marrant. Roi du sud à ma droite, quartier nord, ah c'est le Hala. Oui on sait le son c'est haram, mais moins que les miches de Paname. Et les frères qui sortent la calache, pour mourir il n'y a pas d'âge. Prends soin de ma plume pire qu'un apache. Donnez-moi des Lyomi et je m'arrache. C'est pas ma faute. Je veux des lots. Je veux des lots. Où sont les players? Va leur dire que je suis OG. C'est pas ma faute. J'ai les yeux plus gros que le monde. Je suis venu faire un hold. Les yeux plus gros que le monde. Donnez-moi des lots. RDC. Ok. MJ, pourquoi tu chantes pas comme Sopra? Je lui ai bouffé le cul avant de l'embrasser, je crois que j'ai trop mal. J'en oublie mes sorates. Si RDC vont pas, je serai incompris comme Socrate. Après la belle vie, oh là là, je vois le buzz s'accroître. Madame Pavoshko, je veux voir mes parents, je lui envoie mon avocat. Cet été, la destination sera croate. Cet hiver, douche froide. J'hésite entre Dior, Lanvin et Givenchy. Comme le Watibé, je suis plein comme c'est pas permis. C'est pas permis, c'est pas permis. Après réflexion, j'ai opté pour les buts chimiques. On s'habitue pas à la pauvreté, la luxure est un remède. Les rappeurs en chien, je vais leur offrir à tous des vacances. Club Med, Black M dealer, que j'ai les yeux plus gros que mes couilles. Que je déplace tout avec les couilles. Que si la France est avec moi, ce n'est pas ma faute. Je veux des lots. Je veux des lots. Où sont les players? Va leur dire que je suis OG. C'est pas ma faute. J'ai les yeux plus gros que le monde. Je suis venu faire un hold. Donnez-moi des lots. Seigneur Alonso, Big Black M, quartier Nord, Paris Nord. Règlement de compte, les yeux plus gros, la concu sert qu'au décor. Poser l'assiette, on a les crocs, même les os, on les dévore. Je crois bien que c'est en Afrique qu'ils ont caché ce putain de trésor. Seigneur Alonso, Big Black M, quartier Nord, Paris Nord. Règlement de compte, les yeux plus gros, la concu sert qu'au décor. Poser l'assiette, on a les crocs, même les os, on les dévore. Je crois bien que c'est en Afrique qu'ils ont caché ce putain de trésor. Yeah. Psychiatre de la rime, section d'assaut. 2014, 2015, 2016. Ha! Ainsi de suite. Alonso, Big Black M. Règlement de compte. Le monde plus gros que mes yeux. Les yeux plus gros qu'Alonso. À l'instant, Black M et Alonso qu'on avait en ligne il y a quelques minutes, qu'on salue Alonso qui est dans sa voiture, donc qui a dû écouter très fort ce morceau à l'instant, morceau qui est dispo sur le net, hein, avec disponible, ouais, les yeux plus gros que Marseille, disponible sur internet, sur nos réseaux, le street clip. Et pendant le morceau d'Alonso, une autre surprise est arrivée dans le studio. Il n'y a que des surprises ce soir. Incroyable. Un gars qui est chez lui. Et comment ça va, Skyrock? Je me suis dit, c'est le moment de parler. Bah oui, j'ai pas capté l'entrée, en fait. Ça va? Voilà, c'est une petite entrée discrète de Masca qui est là avec nous. Ouais, en forme? Ouais, en forme. Tout va bien? Ouais, très bien. Ça se passe bien, l'album, espace-temps? Ouais, ouais, non, c'est cool. J'ai eu des très bons retours. Les gens apprécient énormément. Me dégouffrent plus parce que au sein de Section d'Assaut, j'avais pas forcément l'occasion de montrer tout ce que je pouvais faire. Et là, les gens qui ont acheté l'album ont vraiment été surpris, agréablement surpris. De tous les côtés artistiques que j'ai montré, et voilà, je suis très content de ce qui se passe, c'est cool. Et avec en plus le morceau Profiter de ma life, comme là vous êtes là tous les trois, puisque Beriz est là aussi, je me dis que prévu, moments, peut-être qu'on pourrait faire ce live tout on à l'heure. On va faire ce live ce soir. Et il y a aussi le clip d'Espace-Temps, un morceau très rap de l'album qui est mis en ligne là depuis 18h, qui est là. Depuis 18h, on peut aller cliquer. Masca, Espace-Temps, allez cliquer. Et prochainement, le clip Rien sans les autres aussi. Et en tournée avec Black M aussi. Ouais, complètement. Ouais, ouais, on est là, on s'amuse comme des petits fous. Tiens, tu veux rappeler les dates, Masca? Tiens, rappelle les dates, tiens. Tu qu'on parle de la Black tournée, M, il délègue. Rappelle les dates, mon gars. Alors, le 22 février à Bruxelles. C'est la deuxième partie. C'est... Ok, d'accord. Donc, le 14. C'est vendredi. Vendredi à Clermont-Ferrand. Donc, on part vendredi en tournée à Clermont. Donc, toi, tu y es aussi, Masca. Voilà, bien sûr. Le 20 à Montpellier. Le 20 novembre à Marseille. Le 22 à Toulouse. Le 23 en Suisse, à Tonnex. Le 30 à Brive. C'est complet. C'est complet. Le 4 décembre, date forcément très importante pour nous, au Zénith de Paris. Le 5 à Amiens. Le 19 à Pau. Le 20 au Mans. Et le 21 décembre à Amnéville. Voilà. Très bien. Et puis il y aura en effet une deuxième partie de tournée. Voilà, 2015. Ça se prolonge en 2015. Ça se prolonge. Ça se prolonge. Jusqu'au minimum au mois de juin et peut-être plus. Ouais, voilà. Ah, c'est pas une petite prolongation là. C'est sérieux là. Mais là, c'est le festival de Cannes. Là, que de surprises. Mais qui fait ce... On ne l'avait pas vu ici dans ce studio depuis plusieurs mois. Mais chaque qui fois, est cet homme? Chaque fois, on l'avait par téléphone. L'homme aux lunettes, man. La dernière fois, il était place Jamel Fna à Marrakech. Mais qui est cet homme? Et là, il vient de faire son entrée dans le studio de Planète Rap. Un studio qu'il connaît bien pourtant. Je te laisse présenter quand même. Non, mais dès qu'il va parler, les gens ils vont reconnaître direct. J'ai même pas besoin de présenter cet homme. S'il fait le tour du studio, il y en a pour un petit moment. Donc tu sais quoi, il fait le tour du studio, on met la pub. Ça marche. Et on revient dans un instant, bougez pas, il y a une énorme surprise dans le studio. Comme toi, Black M a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap de Black M. Et que de surprises dans ce Planète Rap tous les soirs. Incroyable. Maska nous a rejoint il y a quelques minutes et il a fait son entrée. Il est encore collé au téléphone en train de régler différentes affaires, puisque désormais on ne l'a que par téléphone et pourtant il est venu ce soir pour apporter un petit peu de force. Mon gars, sûr, Maître Gims. Gims est là avec nous. Comment ça va, Gims? Ça va. Ça fait plaisir de t'avoir enfin dans le studio, parce que chaque fois t'es à l'autre bout du monde. C'est vrai que ces derniers temps, c'est qu'au téléphone. Que par téléphone. Ouais. Bon, tout va bien? Tout va bien. Ouais. En pleine forme? Pleine forme. Tu as écouté la réédition? Tu n'as pas écouté la réédition? J'ai écouté un petit peu, pas tous les titres. Pas tous les titres. J'étais au master, quand il a masterisé, j'étais présent, il m'a fait écouter deux titres. Et un particulièrement que j'aime beaucoup, c'est On se fait du mal. C'est très très lourd pour moi. Peut-être le vraiment titre phare de la réédition. C'est même pas une réédition pour moi, c'est un nouvel album, hein, parce que il y a pas mal de titres. Il y a huit morceaux. Moi je lui ai dit clairement que bon, c'est pas une réédition. Ça, c'est un nouvel album que t'as fait qui est beaucoup mieux que Les yeux plus gros que le monde, quoi. Et voilà. Donc je suis tout simplement venu voir ce qui se passait de plus près, parce que j'ai vraiment apprécié la réédition, quoi. Tout simplement. Bon, et toi sinon, ça bosse dur en ce moment ou c'est un peu de détente justement, un peu de détente. T'as pu voir ce qui se passait un peu avec Marine Monster, avec Mac Taylor, avec tous ces artistes là qui vont arriver bientôt. Mac Taylor, ça arrive 2015. Ça va arriver en 2015, je pense, le mois de mars ou le mois d'avril. Il est en train de bosser sur un truc super lourd, vraiment lourd. Et j'ai pu écouter quelques titres, c'est vraiment vraiment lourd. Et il a l'intention vraiment de faire quelque chose d'énorme, quoi. Et toi? Moi, je préfère rien dire pour l'instant. Tapis dans l'ombre. Tranquille. Profitez un petit peu. Ouais, voilà. Bon, bah voilà, en tout cas, on a pratiquement une partie de la section. Ce soir. Ça fait plaisir, moi. Dans l'émission, ça fait plaisir de vous avoir. Gims, je suis content. De vous avoir ici dans le studio. Et puis on salue aussi tous les autres. Évidemment, yes, toute l'équipe. Grosse dédicace. Et toute cette aventure qui continue. Mais c'est vrai, ça doit être une belle fierté, même que ce soit Maska ou Black M qui sortent leur solo aussi juste derrière toi. Et que, bah voilà, ça fonctionne bien et que chacun en plus a son identité, son visuel, etc. Ouais, bien sûr, ça tue. Et il a été certifié la double disque de platine. C'est des choses qu'on s'était vendues, j'ai envie de dire. Il y a 10 ans, tu vois. On s'était vendu le rêve de section d'assaut. On a pu le faire avec, que ce soit avec la terre du milieu, le renouveau, l'écrasement de tête, l'école des points vitaux, l'apogée. On n'a pas réalisé tout ce qui se passait, en fait. On a réalisé des rêves. Là, j'y pense des fois, j'en reparle avec des potes, avec les membres de la section. C'est vraiment un truc de fou ce qui s'est passé. Et là, de refaire ça en solo, de confirmer ça comme ça, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Ce qui se passe, c'est... On figure même dans le livre de Laurent Bonneau et de Fif, là, tu vois. Ouais, le livre qui est sorti. J'ai carrément une page. Le rap et la musique préférée. L'explosion de Maître Gims, le Watibé, machin. Ça veut dire qu'on a marqué. C'est le cas de le dire, on a marqué une page dans l'histoire de la musique française, et même si ça devait s'arrêter là, c'est énorme. Quoi. Vous y pensez justement, ça vous arrive tous les trois, comme vous êtes là tous les trois, ce parcours de la section, on parlait de la terre du milieu, etc. Mais comme il t'a dit, on en parle. Mais régulièrement, vous y pensez ou très souvent, on se dit c'est pas normal. On se dit c'est pas normal. C'est pas possible, normal. Ce qui se passe. Ça va pas possible. Un cauchemar. C'est pour de faux. On va se réveiller un jour. Je vais vous réveiller d'un seul coup. Merde. Ouais, surtout quand tu sais, voilà, que, comment fonctionne la musique. Mmh. C'est pas facile. C'est un milieu vraiment très difficile. C'est un métier très risqué et tout. Et d'avoir cette, cette opportunité-là, c'est énorme, quoi. Ça se conserve, c'est précieux. Et puis, il y a aussi, c'est ce qu'on disait aussi, une suite qui arrive, puisque là, Dr Berriz, que tu connais bien, évidemment. Dr Berriz, que je connais très bien, qui est un jeune de notre quartier qu'on a vu évoluer. Grandir aussi. On a vu grandir, grandir très grand, ouais. Bien grandir. Exactement. Dr Berriz, ça arrive très bientôt. Et ça arrive très bientôt. Et alors, il nous avait promis un morceau, donc là, on va pas voir l'intégralité. Est-ce qu'on balance ces 30 secondes? C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, Fred. Ah, c'est pas tout de suite, d'accord. Tu es trop pressé. Trop pressé. Donc, dans un instant, on met quel morceau d'ailleurs? On va mettre un son de la réédition. Foutu Mélodie, tiens. Eh ben, ça arrive juste avant. Il y a Frimo par téléphone de Clichy. Salut Frimo. Salut Fred, comment tu vas? Eh ben écoute, super bien, t'as entendu ce soir, il y a Masca, il y a Gims, il y a une partie de l'Institut John Café qui est là, qu'on salue aussi, l'Inso qui est là avec nous. Il y a toute l'équipe. Hein. Et toute l'équipe. Yeah, yeah. Et il y a toi Frimo, freestyle par téléphone. On y va, c'est sur freestyle par téléphone, on y va? Ouais, ok. Allez, c'est parti, t'as une 30 pour tout défoncer, comme d'hab. C'est à Capella. Et FRIM hostile. Clichy sous bois mon fermé, cric boom, ah, what you be, ah, black M, ah. Je suis un mec de thèse qui s'impose en bas de vos blocs, tous ceux qui ne me connaissent pas, bois, vont avoir un choc. Même si tu connais la suite, je te rase et je passe à la suite. Depuis que tu dis que les rappeurs, trop de rappeurs compris la fuite. Ma plume est devenue dangereuse, trop de carrière qu'on a pendu. Dis-moi c'est qui il bosse avec moi, pas tous entendu. La manière du bloc que je manipule, quand je pose, t'explose ta chaud, appelle-moi canicule, comme d'un. Bitude, je déboule pour faire du sale, aucune inquiétude. Les rappeurs eux-mêmes le savent, quand je kick le but. Ah, écoute le flow qui débite, à chaque fois que je kick, ils veulent savoir où j'habite. Clichy, mon fermé, tu connais, ne crois, tu connais la zone, mais passe-moi une prod, je la prends, je la saigne. F-R-I-M-O, tu connais, si le rap serait de la bouffe, M si je serais polémique. Rappeur, trappeur, H24, j'aurais même pas eu de limite dans le rap. Y'a les vrais, y'a les faux, y'a les faux, y'a les vrais, y'a les vrais, y'a les faux, y'a les faux, y'a les vrais, y'a les vrais, y'a les faux, y'a les faux, y'a les vrais, y'en sait où sont les faux dans le rap. Y'a les vrais, y'a les faux, y'a les faux, y'a les vrais, y'a les vrais, y'a les faux, y'a les faux, y'a les vrais, y'a les faux, y'a les vrais, y'a les faux, y'a les vrais, y'en sait où sont les vrais hostiles. Yes, Frimo, à l'instant. Merci à toi, Frimo. Bravo. Il est fou, il est fou. A cappella. Merci à toi, Frimo. Petit dédicace, petit message à passer, vas-y. Hein. Ouais, gros dédicace à mes gars, Spirit, qui s'y m'ont fermé. Moi, c'était sur Twitter, on peut me trouver un FRIMO, tiré du bas officiel. Gros dédicace à mon gars, sur Mersa. T'as aidé à bêtiser ça, vu Parisi, on est ensemble. Eh ben ça roule, merci à toi. Merci à toi Frimo à l'instant en freestyle par téléphone. Alors on avait promis le morceau Foutu Mélodie, on met? Ouais, exclusivité. Allez. Encore. Tiens Guillaume, je sais pas si tu l'as écouté celui-ci, le Foutu Mélodie. Allez-y. Tu vas le découvrir, Masca aussi. Ouvrez bien vos oreilles. Masca il le connaît. Masca le connaît. Ouais, très bien même. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Yeah. Foutu Mélodie. Oh shit. Cette Foutu Mélodie vient du fond de mon rôle. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais, j'entends. Oh, oh, ouais, j'entends. Et chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. Cette foutue mélodie a fait de moi l'un des mecs les plus wanted. Je me souviens plus pourquoi je devais sûrement être pompette. Apparemment je n'ai fait que camper devant les toilettes. Alors que j'attendais cette fille comme si c'était ma go. J'avais pas le comportement mais la tenue la plus correcte. J'étais l'ami de tout le monde, simplement celui qu'il faut être. J'ai cru me faire un pote mais on m'a dit que c'était son mec. Moi qui croyais finir au télo, j'ai fini KO. Une minute, ça me revient, la gola. N'y est pour rien car c'est moi le connard. Le coca dont j'ai hérité et mérité. Le collal n'est qu'un détail car je sais ce que c'est. Cette foutue mélodie vient du fond de mon rôle. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais j'entends. Oh oh, ouais j'entends. Et chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. Cette foutue mélodie a failli me faire rater mon mariage. J'avais juré fidélité devant les principes de Marianne. Stop les boîtes, stop les femmes. Marre de répéter la même histoire tous les Saturday night. Donc pour cette fameuse cérémonie j'ai fait venir mon DJ. J'suis devenu un autre homme frérot, j'sais pas si t'as pigé. Loin du ticard et proche du grand départ. Le genre d'amour que l'on comprend même sans les pas. Une minute, je lui avais dit de ne pas mixer. C'est inédit et ce connard s'est pas fixé sur ce que je lui ai dit. Résultat je suis encore et encore sa putain de victime. Cette foutue mélodie vient du fond de mon rôle. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais j'entends. essaie de nous diviser. Je l'ai vu faire tout le contraire de tout ce qu'on visait. Un succès censé nous souder, soudain nous a brisé. On pensait être vrai mais en fait on a tout faux. Cette mélodie m'évade, m'éloigne de la réalité. J'ai du mal à réaliser. L'album est dans les bacs, maintenant t'as plus qu'à retweeter. J'aurais jamais cru qu'un jour j'y arriverais en solo. Une minute, on nous avait dit que la musique et le succès, plus le beat, c'est nuisible. Suis-je maudit, si je faiblis, je crois bien que c'est uniquement de ça. Faute à elle. Oh, oh, shit. Foutue mélodie qui me suit. J'sais même pas pourquoi je raconte ma life. J'avoue, j'ai du mal à tourner la page. J'ai cette pression au cœur, l'impression d'être over. J'sais même pas pourquoi je raconte ma life. J'avoue, j'ai du mal à tourner la page. J'ai cette pression au cœur, l'impression d'être over. Cette foutue mélodie vient du fond de mon rôle. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais j'entends. Oh oh, ouais j'entends. Et chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. Yeah. Morceau inédit. Le monde plus gros que mes yeux. J-5. Faut-tu mélodie. 17 novembre dans les bacs. Va précommander celui-là aussi, il en fait partie. Yeah. Exclusivité Skyrock. What it be. À l'instant exclu total, celui-ci foutu mélodie. Yes, ça c'est un morceau qui fait partie des 8 inédits. C'est un petit délire, hein, c'est une petite histoire, c'est une petite mélodie qui me suit partout. Foutu mélodie. Et voilà, foutu mélodie. On l'a découvert à l'instant en exclu. Yes. Gims, ouais, petite réaction à chaud. J'ai découvert en même temps que tout le monde, tu vois. Mm. Comme quoi, il suffit pas d'être dans le label ou dans le truc pour savoir, pour être au courant des choses, tu vois. J'ai découvert comme tout le monde. Et alors, la réaction à chaud. J'aime bien le délire. J'aime bien la cadence, moi. Le foutu mélodie, ouais, ouais. Celui-ci. J'aime bien le délire. Et ça sort le 17 novembre. 17 novembre, toujours en précommande, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'on ferait pas maintenant le live? Allons-y. Puisque Masca est là. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire avant? On va s'écouter le petit extrait de Dr. Beriz. Ah. C'est quoi qu'on écoute? Alors, tiens, Beriz, prends. Ah tu es là ou pas? Prends le micro, prends le micro, il marche. Non, non, non, l'autre. Beriz, Beriz. Tu peux te filmer? Là, là, là. Tiens, on va te filmer. Le micro fonctionne, on t'entend. Vite fait. Marche pas celui-là. J'aimerais bien. Là, on t'entend. Là, on m'entend? Là, on t'entend alors. Tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu nous as dit je vous balance. Tout à l'heure, il était pas là. Là, tu arrives, le micro fonctionne. Même pas besoin de bouger. Incroyable. Tu es arrivé tout à l'heure en disant j'ai un morceau. C'est le morceau un petit peu zéro qui va annoncer la suite. C'est le premier morceau que je vais lancer en fait pour parler de mon album. Donc là, en fait. Je suis juste mon grand frère Masca qui vient juste de faire des vrais bails, qui vient juste de proposer des vraies choses aux gens, frère. Et on arrive juste après, donc au calme, tu vois. On est toujours ensemble, on est dans le couloir, on est en train de bosser, nous, c'est non-stop. Pour les gens qui savent pas, nous, on est vraiment ensemble. Dans le couloir, on bosse et on sait exactement quelle discipline on pratique. Donc tu peux pas nous déconcentrer, on fait ce qu'il faut. Donc là, on balance, quoi, 30 secondes. Ouais. Balance le truc. Pour donner un avant-goût, allez, HQ, dès que ça chauffe trop, on arrête. Yeah. Ça, c'est un extrait de Dr. Beriz. Viens, viens, non? Viens, viens. Viens, mec. Big up, H de guerre, tous mes gavas qui sont encore dans le zoo. Calme. Le zoo, c'est père, c'est père. Sur le rein, t'es des bénéfices, mon type est ma dope, tu écoutes bien. Ton mauvaise humeur, on va te piquer ta mère pour que tout le monde s'en souvienne. Gold, Gold, 5, 6, c'est IH, chez nous ça mange bien. Débrouillardise, t'as rien à dire, à part sentir la patate dans le refrain. Mise en mode par un geyser, négro isolé dans le désert. Visite de Zoulou dans la poche, un Zoudou, on se visère sans jamais dire si mère. Paniquer ta grand-mère, ton cavi est ciblé à 3h. Comment tu veux qu'on compatisse? Même pendant la guerre, mes négrotis. Pour des gros titres, sinistre vous y est la chevrotine. Ça chiffre vite, même quand ça tire, c'est la routine. Toujours sous les rotules, même quand la route tourne. Ne parle pas de nos fils, on va te faire, c'est la faute. Je me suis fait tout seul. Fuck la répute. Les mecs qu'on sait, là où je consomme. Tout mon entourage touche des gros sommes. Beriz. Les meufs, les haineux, les sœurs, les élites, le quartier. Dans mon monde, tu n'as pas pied. Je suis dernier négro. Le dernier négro. le dernier négro. Pardon, Vincenzo, Docteur Delis. Ça commence à trop chauffer. Stop, stop, stop, stop, stop. Stop, hey, ce c'est truc quoi, hey, c'est quoi, regarde, écoute bien. Je voulais pas laisser le deuxième couplet. Oh merde, c'est quoi, petit extrait, on n'a pas envie d'en faire trop. Pour les gens qui sont ailleurs, pas, ils ont mais... écouté là, là, tout de suite. On est ensemble. On se joue, on est au bout du fil. Au calme. C'est pas tu dis allô, y'a personne. Eh hey, boy, on est là, frère. Au calme. C'est Docteur Delis, poteau. Il est Belize. Eh, hey, mais bouge pas, reste avec nous. Il y a le live de Provision. Il y a un clip qui va arriver d'ailleurs sur ce morceau, hein, c'est ça, Belize. Il y a un clip prochainement. Ah, on est en train de prévoir, tu vois. Voilà, il y a des choses qui vont. Parle au micro, Belize. Mais oui, c'est tellement grand que. Je peux être dans le clip. Le dernier négro. En tout cas, Gims a filmé les premières images du clip, hein, je peux te dire. Non, sérieux, non. Il y a deux, trois trucs, tu vois, à régler d'abord. Avant de penser à faire des clips et tout. Là, c'est le premier extrait. Ce soir, je devais pas le faire. C'était pas prévu dans le planning. Et d'ailleurs, tu vois, Black, il m'a dit, y a pas de problème. Comme tranquille, mon gars. Tiens, regarde les réactions. Lourd. Il défonce le message. Donc, calme. Il défonce le morceau. Mettez-en plus. Il y a plein de messages qui défilent. Ouais, et on va te garder. Mets le casque, si tu veux bien, Beris, puisque maintenant, on attaque le live dans Planète. On a encore besoin de toi. Extrait de l'album de Maska, l'album Espace-Temps sur Skyrock. Profitez de life tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Dooms de l'entourage, on est ensemble. Yeah. Yeah. BKO. Yeah. Big Black M, Maska, Docteur Belize. Tu viens d'entendre dernier négro. Est-ce que je dois profiter de ma life? Hein? Est-ce que tu dois profiter de ta life? Yeah. J'en mieux sortir que faire de ma life. Un. Est-ce que je dois profiter de ma life? Rien yeah. Avant que ma vie s'écoule. J'en mieux sortir que faire de ma life. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout de suite. Dans tes outils. Gava, tu te pavanes, t'as sorti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en passage. On te connaît, t'es rigolé. Mais personne n'aime te croiser quand t'as trop picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrête mon gars sur ma est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Reste dans tes outils. C'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Je bats la baraque à trail, yeah. J'ai mon terrain au bled de bien balicade. Demande à baracadé. Le dream c'est la famille, tout le reste est gâté. Si je voulais tout de suite. Pour jouer les choses en grand, fallait quoi que je touche le smic. Petit, ferme ta bouche. Parler d'argent ici en France c'est tabou. On n'est pas dans le pays de Bahama. Si t'as réussi ta vie, on te regarde mal. Mais c'est pas de débat ici, les gens parlent mal. Bienvenue en risque. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tout de suite, quand t'es sous crise, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise, de meuf, de tes baf, que faire? Dis-moi que faire. Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. J'ai senti clean, t'as pas le temps. Deux, trois poteaux qui t'attendent. Yeah. Un beau mytho pour madame, ça passe, elle va mis dans sa tarte. Derrière ta table, t'es refait. Place avec tous tes refrains. De jolis métis. Que faire? Mes yeux fatigues, je te sers. Vous connaissez les refrains, yeah. Foncez jusqu'à demain. Tu crois déchirer, est-ce que je dois profiter de ma life? Yeah. Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve? Yeah. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Dans tes outils, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise, sous-estimé loin. Celle d'Elbor. Surestimez-toi, yeah. Peu importe, trop de talent NBA, yeah. Comme la NBA, feeling NBA, yeah. Laisse-moi profiter de ma life avant que tout s'éteigne. Profite de ma life, laisse-moi avant le temps. Hey, Béris dans la capitale, mon frère. Profite de ma life, yeah. Espace-temps, dans les what you mean? À l'instant, en live, Espace-temps de l'album, du premier album solo de Maska, Espace-temps toujours disponible, yeah, toujours dans les bacs avec Kem, avec Docteur Belize qui était là avec nous toujours accompagné du frère ce soir. Merci à vous tous en tout cas pour cette soirée. Merci Fred, merci à toi Fred, Belize, merci tout le monde. Espace-temps, allez chez cher, c'est dans les bacs poto, j'arrive juste après, va chez cher. Merci Black M, big up à Belize, à Linso, à John K qui était là, à Budapest, à mon gars Achille Tal, à Maître Gims qui est passé ce soir dans l'émission. Grosse dédicace à Gims aussi. Je rappelle juste avant de partir, la réédition est disponible en précommande sur iTunes. Les 8 inédits sont très lourds. Vous avez entendu quelques extraits. Je garde le sourire, on se fait du mal. Black Shady partie 3 et ce soir en exclusivité Foutu ouais, Mélodie. Et il reste encore 2 jours. Donc des surprises. Faut être là tous les soirs. Surprises et des surprises. Tous les soirs, on n'est pas déçus. Novembre dans les bacs. Merci à tous, merci pour le soutien. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Let's get it. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50 euros plus ta nouvelle compil Planet Rap 2014 volume 3. La roulette qui va tourner avec Virginie de Garden. Salut Virginie. Salut, ça va? Ça va bien Virginie, en pleine forme? En pleine forme, ouais. Écoute-nous si on passe une super soirée avec Black M et toute la semaine d'ailleurs pour la réédition de l'album. Tu es prête à faire tourner Virginie? Ça y est, ouais, je suis prête. Allez, on lance la roulette dès que tu veux. Allez, tu dis stop, c'est parti. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Virginie, ouais. C'est pour toi. Avec la compil Planet Trap 2014 volume 3. Où tu retrouveras d'ailleurs Profiter de ma life. Yes. Ouais. Un morceau que tu as pu entendre en live. Et 50 euros en bon d'achat qui arrive à la maison aussi. C'est nickel. Voilà, avant les fêtes, merci. Ça fait plaisir. C'est pour toi. Ouais, ben merci à toute l'équipe. Franchement, ça fait vraiment plaisir, ouais. Et ben, on te fait plein de bisous, Virginie. Passe une bonne soirée. Merci. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Merci à vous tous. Black M demain de retour. De retour demain avec de nouvelles surprises. Avant de partir en tournée, justement, avec Masca qui sera avec toi du côté de Clermont-Ferrand. Exactement. Vendredi 14 novembre, une grosse tournée, une tournée Skyrock. À pas louper, alors qu'on te propose des... On propose des bonbons. Gentils bonbons, d'habitude, c'est l'inverse. Merci à vous tous en tout cas pour cette soirée. Merci à toi. Merci à demain, qui était au platine. Merci à vous tous. On va retrouver D-Fool maintenant qui doit être dans le coin. Eh oui, on est déjà là nous avec aussi. Avec toute l'équipe, ça va bien? Tu veux un bonbon, Fredo? Ouais. je veux bien un petit bonbon. Un petit bonbon. Demain le retour, 20h-21h. Black M tout au long de la semaine avec la réédition. Et ce soir, quelle surprise, Masca est venu avec nous. Maître Gim, c'était dans le coin. J'ai entendu tout ça, il y a du monde incroyable, ce soir. Incroyable. Un big up à tout le monde, c'est plaisir de vous entendre tous ensemble. Magnifique. Et ouais, et demain, qu'est-ce que nous réserve la journée de demain jeudi? Je ne sais pas. Demain 20h pour en savoir plus. Oui. Soyez là dans Planète Rap. Merci Fred. De rien. Et puis nous c'est parti là jusqu'à minuit, on y va, hein, Radio Libre. On va démarrer avec un gros son de Bobby Shmurda maintenant. C'est Hot Nigger. Ah, j'adore. Un son lourd, ouais. Vous êtes plein à adorer Bobby Shmurda. C'est lui Bobby Shmurda. Est-ce que tu as fait d'ailleurs la Shmurda Dance? Ah oui, alors on en a parlé lundi soir. La Shmurda Dance, c'est tu te penches un peu en avant, tu mets les bras sur le côté, tu te mets à danser comme ça, Fredo. Faut mater, il y en a plein sur le net. Regarde, je fais ma Shmurda Dance, regarde. Mais on attend la tienne, D-Fool. Ouais, et ben elle est là, ça y est, c'est parti. Dans un instant, Hot Nigger, le gros son pour démarrer l'émission. Premier gros son de la soirée. Pour tout le reste, on vous attend en direct au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez de toute la France si vous voulez faire les cons avec nous. On est parti en coup direct d'envoi. Et jusqu'à minuit, allez, on y va, coup d'envoi. Merci Fred. Ciao. À demain, ciao. Salut Black M. 1500.